Deuxième partie. Les moments s'écoulaient cependant, et Guillaume ne pouvait s'arracher des bras d'Edwige. Elle était aussi sans force pour prononcer le mot d'adieu. Ce fut Thérèse qui, la première, osa rappeler à sa maîtresse le danger de leur position. Elle leva la lourde draperie de velours qui cachait la fenêtre, et la reine put voir au travers des petits vitraux une large bande pourprée qui bordait l'horizon de la plaine de Cracovie et annonçait le jour. Edwige tressaillit. « Il faut partir, mon ami, partir, quitter. Oh, Guillaume, Guillaume, plains-moi et aime-moi toujours. » Et se jetant d'elle-même dans ses bras avec abandon, elle le pressa fortement contre son cœur déchiré. Ce qu'elle souffrait était affreux. Si cette heure d'agonie s'était prolongée, elle excédait ses forces. Il souffrait bien aussi, lui. Sa poitrine gonflée de sanglots ne pouvait contenir les battements précipités de son cœur. « Adieu, dit-il enfin. Tu le veux. Je pars. Si je demeurais encore, il me faudrait mourir ou rester. Adieu, toi que je regarde toujours comme mon bien et comme ma fiancée, comme ma femme, enfin. Edwige, Edwige !» Elle souleva sa tête et murmura un adieu. « Edwige, encore une fois, ne me repousse pas. Il en est temps encore. Parle !» Elle remua doucement la tête en disant d'une voix étouffée par les larmes « Je ne le puis. » Il l'embrassa alors dans une dernière étreinte, et s'arrachant de ses bras, il s'élança hors de la chambre en poussant un gémissement qui fit retentir dans l'âme déchirée d'Edwige comme un cri de mort. Lorsqu'il fut parti, elle crut qu'une vision terrible lui avait été envoyée. Elle se souleva avec peine et regarda autour d'elle. Elle était seule. Thérèse avait accompagné le prince jusqu'au lieu où l'attendait Gniebos. Le premier rayon du jour éclairait d'une lueur pâle la chambre où se trouvait Edwige. C'était celle qui précédait la sienne et où l'avait entraînée Guillaume en lui disant adieu. Elle pressa son front brûlant de sa main pour rappeler ses idées. Elle frissonnait, la malheureuse enfant, à la seule pensée de savoir Guillaume sous le poignard de ces hommes, dont les projets ambitieux trouvaient un obstacle puissant dans la vie du fiancé de leur souveraine. Ils la voulaient libre. Le moyen en était facile au crime. Edwige reculait devant l'image que lui offrait la réunion de ses craintes avec les terribles paroles de l'évêque. À cette époque, un pouvoir invisible régnait autour des demeures royales comme il dominait le toit des chaumières. Les souverains eux-mêmes ne pouvaient que fléchir le genou devant cette justice terrible et mystérieuse dont le nom seul causait l'épouvante de toute une cité, mais non le décliner. Les francs juges, enfin, jugeaient toutes les causes, et celles qui échappaient à la loi, soit par le rang des coupables ou la nature de la cause elle-même, étaient évoquées devant le tribunal secret. L'évêque avait une seule fois prononcé ce mot magique, et il avait été retentir au cœur d'Edwige comme l'eût fait une cloche mortuaire. Il lui semblait toujours que les trois coups étaient frappés, et qu'on la citait avec Guillaume pour leur demander compte à tous deux de cet amour qui privait l'Église de tout un peuple ramené à sa croyance. Cette crainte produisait des vertiges dans l'esprit terrifié de la jeune fille, dont l'amour était la vie. Elle savait que Dobeslas était affilié au grand tribunal de Westphalie, et qu'il présidait celui qui était établi dans une partie de la Pologne. Comment lutter contre un tel pouvoir? Comment réclamer contre une justice qui frappait au soleil pour exécuter une sentence rendue dans l'ombre? Comment signaler une main qui ne frappait qu'au nom de Dieu? Edwige était insensée de douleur devant de telles pensées. Est-ce bien Guillaume qui, bravant son ordre et ses prières, était demeuré dans la même ville que le rival que lui préféraient les chefs de la noblesse polonaise? Mais il était perdu. Edwige errait dans cette chambre, appelant pour la rassurer les seuls amis qui pouvaient lui répondre. Mais elle était seule, seule, à cette heure. Que faisait-elle ainsi à peine vêtue, ses cheveux épars, dans un lieu presque inconnu pour elle? Était-il donc vrai que Guillaume était là, auprès d'elle, il n'y avait que peu d'instants? Mais non, c'était une vision, un songe, une apparition fantastique produite par le mauvais esprit. C'était tout, enfin, hors la réalité. Car si en effet Guillaume est dans Cracovie, on l'immolait à Jaglon. Cependant le jour commençait à paraître, et la chambre s'éclairait. En marchant avec agitation, Edwige s'embarrassa dans quelque chose qu'elle ramassa. C'était un mouchoir. Il était brodé. Elle le regarde, et pousse un cri en tombant à genoux, et demandant à Dieu secours et pitié. Le mouchoir était brodé aux armes d'Autriche. Ainsi donc Guillaume était encore auprès d'elle. Les scènes de la nuit n'étaient pas un songe. Il était là, près d'elle, mais aussi près de la mort. Elle demeure longtemps à genoux, elle prie, et en priant, elle baisse ce mouchoir et le mouille de ses larmes. C'est avec lui qu'elle essuie les dernières que l'amour doit lui faire répandre sans crime. Quand le jour est tout à fait venu, elle se lève de la pierre sur laquelle elle priait et mande auprès d'elle les deux hommes qui connaissent sans mystère sa véritable position. L'un est Dimitri, grand trésorier de Pologne, l'autre de Boleslas, castellan de Cracovie. Castellan, dit-elle à Boleslas, j'épouse le grand-duc de Lituanie. Sans rendre aucun compte des motifs qui m'ont déterminé à cette alliance, je mets une condition expresse à l'exécution de ce projet. Le duc d'Autriche est encore sur le territoire de Pologne. Je vous rends responsable du moindre accident qui pourra l'atteindre en dehors des chances de la vie. Je sais qu'il est encore près de Cracovie, s'il n'y est même encore. Vous voyez que j'en agis avec confiance et noblement avec vous. Faites de même, et que mes ordres soient exécutés avec l'exactitude que réclame un sujet aussi important. Le grand-duc sera prévenu dès le matin qu'il est roi de Pologne. Fasse le ciel qu'il nous soit, à vous, un bon maître, à moi, un bon seigneur. Allez !» Mon ami, mon père, dit Edwige à Dimitri, lorsqu'ils furent seuls, avec vous, je puis pleurer et je pleure. Et pourtant je ne voulais plus pleurer, mais les larmes m'étouffent, et ce mouchoir en est trempé. Prenez-le, portez-le à son maître, qu'il le garde comme le dernier gage d'un amour aussi malheureux qu'il était profond. Mais qu'il parte, au nom du ciel qu'il s'éloigne. Veut-il donc demeurer pour voir la cérémonie de ce funeste mariage? Mon ami, vous qui savez comme moi le danger qu'il court ici, parlez-lui, qu'il parte, et qu'il compte que jamais son souvenir ne périra en moi. Aujourd'hui, je puis parler ainsi, demain ce serait un crime. Dites-lui que jamais il n'aura une amie plus dévouée que moi. Il perd une amante, une femme, il trouve une sœur. Dites-lui, répétez-lui ces douces paroles, mon ami. Je connais Guillaume. Il entendra ce langage, il le comprendra avec son âme, la plus parfaite qui soit jamais sortie des mains de Dieu. Et maintenant, dit la malheureuse enfant lorsqu'elle fut seule, maintenant, mon Dieu, soyez-moi favorable et assistez-moi. Le matin même, Jaglon fut prévenu que la reine agréait sa recherche et qu'elle consentait à l'épouser. Il vint lui-même la remercier après s'être fait précéder par les plus magnifiques présents. Lorsqu'il aborda Edwige, il mit un genou en terre et lui parla comme le dernier sujet de son royaume. Il semblait à l'entendre qu'il n'était en effet que l'esclave de cette belle et jeune souveraine qui recevait les hommages des plus grands princes, sinon avec dédain, du moins avec indifférence. Je garderai toute ma vie le souvenir de la préférence que vous m'avez accordée, madame, dit Jaglon à Edwige, et je me croirai un homme déloyal si je ne la payais par tout ce que je puis donner de bonheur à ma compagne. Vous vous trompez, monseigneur, répondit Edwige, je ne vous ai pas préféré. J'ignore ce qu'on a pu vous dire. Moi, je vous dis la vérité. Si j'eusse été appelé à choisir, vous n'auriez pas été l'objet de ma préférence. Eussiez-vous été le plus puissant, le plus grand, le plus beau des princes de la terre. J'étais fiancé, monseigneur. Je l'étais du jour de ma naissance avec le duc d'Autriche, âgé de 4 ans seulement plus que moi. Nous nous sommes aimés parce que notre amour était sanctionné par l'Église et la volonté de nos pères. Je croyais, il y a 2 jours encore, que rien n'était changé dans ma vie. Dieu, qui tient dans sa main le cœur des hommes et fixe la destinée des rois, m'a commandé de suivre une autre route, dans laquelle je dois marcher avec vous pour vous enseigner le chemin. J'ai, sans murmurer, repris mon bourdon de pèlerine et recommencé un autre voyage. On m'a parlé d'intérêts trop sacrés, trop importants pour que j'hésitasse un moment à suivre le parti que j'ai pris. Voilà, monseigneur, la cause véritable de ma détermination. Je vous tromperais si je vous en donnais d'autres motifs, et vous ne me croiriez pas. J'aurais la honte d'un mensonge sans en recueillir le fruit. Cependant, je dois vous dire que la renommée de vos grandes qualités a beaucoup influé sur le parti que je prends. Votre haute réputation de sagesse et de vertu, votre naissance, tout ce qu'on proclame de grand et de noble dans votre manière de gouverner des peuples encore sauvages, tout m'a donné la volonté de vous rendre le bonheur que vous avez quitté pour venir me chercher moi, jeune fille étrangère à vos coutumes, à votre religion, à votre vie intérieure. Croyez, monseigneur, que cette conduite m'impose des devoirs que je saurais remplir. Mais j'ai voulu vous ouvrir un cœur qui ne sait pas feindre et vous dévoiler l'intérieur d'une pensée que désormais vous pourrez interroger. Voilà, mon Seigneur, ce que devait vous dire celle qui va devenir votre compagne. Si, après ce noble aveu, vous lui conservez la même affection, voilà ma main. Elle sera à vous le jour où vous saluerez la croix. Liemowicz et Ladislas avaient, m'a-t-on dit, des prétentions à la couronne de Pologne. Et pour les appuyer, ils sollicitent ma main. Voilà, mon Seigneur, les hommes auxquels je vous ai préférés. Et pourtant, vous n'êtes pas encore chrétien, et tous deux sont catholiques et de la communion romaine. Peut-être ne seront-ils ennemis. C'est à vous maintenant, mon Seigneur, à défendre la Pologne des prétentions qui tendraient à l'affaiblir. Une fois son roi, vous vous devez à elle, et devez la regarder comme une sœur de la Lituanie. En écoutant ce long discours, calme, raisonné, le grand-duc fut frappé d'un étonnement plus profond qu'on ne peut le rendre. Était-ce bien cette jeune fille pâle et frêle, à peine sortie de l'enfance, dont le front blanc et poli souffre à porter même une couronne de fleurs, tant sa nature est délicate? Est-ce bien cette bouche rosée dont les lèvres gracieusement courbées ne paraissent faites que pour sourire, qui vient de prononcer ces paroles graves et d'un sens d'autant plus profond qu'elle traite un sujet sérieux, qui touche la destinée de deux êtres qui désormais vivront ensemble toute leur vie, et l'un d'eux n'a pas 16 ans? Jaglon comprit sur l'heure le prix du trésor qu'il allait acquérir. Il lui répondit comme il devait le faire, et lui jura que le bonheur de sa vie serait l'étude de toute la sienne. Edwige sourit tristement. Elle ne demandait plus le bonheur. Elle l'avait enseveli sous le linceul étendu sur le Christ de la chapelle. Là était le bonheur de sa vie. Là était à jamais tout ce qui avait fait battre son cœur. Le lendemain de ce même jour, Jaglon reçut le baptême des mains de l'archevêque de Gnissen, et immédiatement après, au même hôtel, qui venait de le recevoir parmi les chrétiens, il épousa Edwige. Au moment de prononcer le mot qui devait la lier à jamais, ses yeux se tournèrent vers la chapelle où le voile noir couvrait le corps du Sauveur. Un soupir étouffé retomba sur son cœur, déjà rempli d'amertume. Maintenant, elle pouvait bien souffrir. Mais la plainte était un crime. Ainsi donc, toujours en face d'une souffrance, et ne pouvant plus lui répondre que par un sourire. Car les larmes sont défendues à une douleur adultère. Pauvre Edwige, elle n'avait pas 16 ans. 3 jours après le mariage, Jaglon fut couronné comme roi de Pologne en présence d'Edwige, avec une pompe toute asiatique, dont au reste le nord de l'Europe avait plus de connaissances que nous, malgré les rapports fréquents que les croisades avaient établis avec l'Orient. Tous les grands seigneurs vassaux de Jaglon reçurent le baptême, et en peu de temps, la Lituanie devint chrétienne. La Sainte Martyre recevait au moins sa récompense.